Méditation sur un balai de Jonathan Swift. Ce simple bâton, que vous voyez ici gisant sans gloire dans ce coin négligé, je l'ai vu jadis florissant dans une forêt. Il était plein de sève, plein de feuilles et plein de branches. Mais à présent, en vain l'art diligent de l'homme prétend lutter contre la nature en attachant ce faisceau flétri de verges à son tronc desséché. Il n'est tout au plus que l'inverse de ce qu'il était, un arbre renversé sens dessus-dessous, les rameaux sur la terre et la racine dans l'air. À présent, il est manié de chaque souillon, condamné à être son esclave, et par un caprice de la destinée, sa mission est de rendre propres les autres objets et d'être sain lui-même. Enfin, usé jusqu'au tronçon entre les mains des servantes, il est ou jeté à la rue ou condamné pour dernier service à allumer le feu. Quand je contemplais ceci, je soupirai et dis en moi-même « Certainement, l'homme est un balai. » La nature le mit au monde fort et vigoureux, dans une condition prospère, portant sur sa tête ses propres cheveux, les véritables branches de ce végétal doué de raison, jusqu'à ce que la hache de l'intempérance ait fait tomber ses verdoyants rameaux et n'ait plus laissé qu'un tronc desséché. Alors, il a recours à l'art et met une perruque. S'estimant à cause d'un artificiel faisceau de cheveux tout couverts de poudre qui n'ont jamais poussé sur sa tête. Mais en ce moment, si notre balai avait la prétention d'entrer en scène, fier de ses dépouilles de bouleau que jamais il ne porta, et tout couvert de poussière, provint-elle de la chambre de la plus belle dame, nous serions disposés à ridiculiser et à mépriser sa vanité, juge par ce que nous sommes de nos propres perfections et des défauts des autres hommes. Mais un balai, direz-vous peut-être, est l'emblème d'un arbre qui se tient sur sa tête. Et je vous prie, qu'est-ce qu'un homme, si ce n'est une créature sens dessus-dessous, ses facultés animales perpétuellement montées sur ses facultés raisonnables, sa tête ou devraient être ses talons rampant sur la terre. Et pourtant, avec toutes ses fautes, il s'érige en réformateur universel et destructeur d'abus, en redresseur de griefs. Il va fouillonnant tous les recoins malpropres de la nature, amenant au jour la corruption cachée, et soulève une poussière considérable là où il n'y en avait point auparavant, prenant tout le temps son humble part de ces mêmes pollutions qu'il prétend effacer. Ces derniers jours se passent dans l'esclavage des femmes, et généralement des moins méritantes, jusqu'à ce qu'usé jusqu'au tronçon, comme son frère le balai, il soit jeté à la porte, ou employés à allumer les flammes auxquelles d'autres se chaufferont. Texte audio gratuit enregistré par Blandine Maté pour Audiocité. Ceci est un enregistrement sous licence paternité, pas d'utilisation commerciale, partage des conditions initiales à l'identique.